Viens ou okay, volume-toi. La la la la. Na na na na na na na na na na. Ou ni yon tibite adon lan kagade ou ke ou kanvoye si mwen. Ki mwen ou loin, ki mwen tout preve ou ve pa an pe pa fe semblan ou an. Chak moun si la ten yon moun ki fet pou li. Chak moun si la ten yon moun ka viv pou li. Ante ke vle wa ou bel paol ki ka fleri. Pa ni plas ankor pou pou ma ka kri. Voyan dan ou sa ki tan mwen. Se vwe kle, se vwe deme. Pa bizwen chale le kowa. Anja an di dan po wa. Chak moun si la ten yon moun pou di mesi. Chak moun si la ten. C'est sous le signe de la beauté de l'échange que je viens vous offrir mes pensées ajustées. J'en profite également pour vous dire merci d'être né. D'instant en instant, je suis privilégié de votre sens du bonheur.